Une belle ambiance dans le studio du 7-9, mais c'est normal, François Morel est là. Oh. Bonjour François. Bonjour Ali. Dernière chronique avant l'été, j'ai reçu justement pas plus tard qu'hier un appel de la directrice de France Inter, Laurence Bloch, qui m'a posé une question tout à trac et que je vous livre comme elle me l'a formulée. Est-ce que tu viens pour les vacances ? Alors bon, Laurence, je la connais depuis longtemps, je crois me souvenir que la première fois que je l'ai vue, elle avait des cheveux blonds, un crocodile sur son blouson. On s'est connus comme ça, au soleil, au même endroit. Et c'est amusant parce que justement, je m'étais fait la réflexion à l'époque qu'elle avait des yeux d'enfant. Et j'ajouterais des yeux couleur de l'océan. Je ne sais pas si elle s'en souviendra. Moi, pour faire le malin, je chantais en italien. C'est alors qu'elle m'avait posé cette question pour la première fois. Est-ce que tu viens pour les vacances ? Laurence m'avait par ailleurs signaler qu'elle n'avait pas changé d'adresse et qu'elle serait un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Alors Laurence, j'étais vieux tout ça, je ne sais pas exactement ce qu'on s'était promis, mais ce dont je me souviens, c'est que les nuits d'hiver où j'avais froid, j'étais un goéland en exil de sentiments. Et croyez-moi, si vous voulez, faites-en l'expérience à l'occasion, mais c'est pas spécialement évident à vivre qu'être un goéland en exil de sentiments. Déjà, une vie de goéland dans l'ensemble, il faut être juste, c'est pas spécialement folichon. Faut vraiment apprécier le plein air et il faut pas avoir peur de tout ce qui est embrun. Il faut aussi accepter de se nourrir parfois quand même de charogne. Il faut le savoir avant de se lancer évidemment dans une carrière de goéland. Bon, faut pas non plus craindre l'humidité et les courants d'air. Alors bon, tout ça plus un exil de sentiments, il faut quand même avoir un super mental. Enfin, je m'égare car la question qui se pose et qui dépasse ma simple relation avec Laurence, c'est ceci, est-ce que tu viens pour les vacances ? Alors bon, je pense que non. Laurence, je crois c'est mieux pour l'un et pour l'autre de prendre un peu de distance. Je ne viendrai pas pour les vacances. On réfléchit à notre relation et dès septembre, on voit comment on négocie notre avenir. Cependant, je ne voudrais pas partir et quitter l'antenne sans effectuer ce que Laurence appelait si gentiment et si joliment un rendez-vous de nos promesses. Je veux bien faire la promesse, Laurence, que à partir de septembre prochain, j'aurai recours le moins possible à ce procédé lamentable et somme toute indigne qui consiste pendant toute une chronique à utiliser une musique moins caractérisée par sa subtilité que par sa capacité à entrer dans la tête de toutes celles et tous ceux qui l'écoutent et qui, de toute la journée, n'arriveront pas à s'en débarrasser au point que ça peut même devenir pénible. Par ailleurs, et par délicatesse, ce matin, j'ai conçu une chronique qui, certes, n'est pas ma meilleure, mais qui a pour simple but de ne pas rendre trop cruelle cette séparation obligatoire de 2 mois. Bonnes vacances, à bientôt. Merci François Morel, bonnes vacances à vous.